J'aimerais bien vous chanter une chanson d'amour, une chanson qui rend love. Et sans mauvais calembour, je tente d'édulcorer, d'arrondir les contours, mais c'est peine perdue, je le sais. Je n'ai pas la voix pour. Come with me to the other side. Please take a condom. Prends ton courage par la main. Put your little dick inside. I'll be your slave. Je serai ta chose. Take my body, my mind. En possession de mon cœur. Je suis partant pour l'aventure. For blowjob. Je me donne.